Dixième leçon. Bonsoir, monsieur Duclos. Monsieur Duclos rentre chez lui à 7 heures tous les soirs. D'habitude, il achète quelque chose à manger au supermarché et il monte à son appartement. D'abord, il met le répondeur téléphonique parce qu'il n'aime pas être dérangé. Puis il dîne, met les assiettes dans le lave-vaisselle et allume la télévision. Il regarde les informations et quelquefois un film. D'habitude, il se couche avant minuit. Il aime cette vie tranquille et paisible. Mais ce soir, malgré les 80 chaînes disponibles sur le câble, il ne trouve pas d'émission intéressante. Eh bien, je vais écouter de la musique et passer une soirée calme. Exercice. Il allume la télévision et regarde les informations. Elle achète quelque chose à manger au magasin tous les soirs. D'habitude, il rentre chez lui à 7 heures. Il n'y a pas de film à la télévision ce soir. Je n'aime pas être dérangé.